Supérieurs, les plus beaux lieutenants du monde sont désormais mes inférieurs. Le capitaine a des moustaches. Il a des moustaches. Et c'est déjà un homme fait. C'est un homme fait. Et plus souple que la cravache. Les lieutenants n'ont qu'un duvet. Ils n'ont qu'un duvet. Ils n'ont qu'un duvet. Qu'un duvet. Qu'un duvet. Un petit duvet. Vive Roger de Lansquenet, vive Roger de Lansquenet, vive Roger de Lansquenet. Mes amis, point question de grade, je reste votre camarade, tout simplement. Il est charmant, charmant, charmant. À la première incartade, je vous fous dedans. À la première algarade, je vous fous dedans. À la première escapade, je vous fous dedans. Il est charmant. Il est charmant. Je vous fous dedans. Mais il n'est pas question de grade. Je reste votre camarade. Charmant, charmant, charmant. Hélas, il est bien évident qu'il nous foutra toujours dedans. Mais quand c'est notre capitaine, chantant toujours, il est charmant, il est charmant. Nous sommes six hussards avec six voltigeurs qui voltigeons à perdre haleine. L'aube rougit de notre laine, mais on est là pour le temps. Nous fêtons notre capitaine qui n'est meilleur que lieutenant. Nous fêtons notre capitaine qui n'est meilleur que lieutenant. Mais pourquoi donc n'as-tu pas voulu que nous invitions ton ami Zénobie de Guernesey ? Parce que ce soir, nous sommes lundi, et que Zénobie consacre les lundis, mercredis et vendredis au vicomte Antonin de Mourmelon. Et tu n'es pas jaloux ? Jaloux, mais est-ce qu'on peut être jaloux d'Antonin de Mourmelon ? Pourquoi ? Il n'est pas mal. Il a 20 millions. Quand on a 20 millions, on n'est jamais jeune et on n'est pas aimé. Biscuit, oui. Veuillez m'excuser, mais il est 5 heures. Oh. Tu nous chasses? Ah, mon capitaine, il faut que cette pièce soit libre. Oh. Elle donne accès au cabinet particulier. Ah. Et tout à l'heure, quelqu'un va la traverser. Mais qui ça? Ah, oh, je vous en prie, n'insistez pas, retirez-vous. Hein. Bon. Allez, passez dans les autres salons. Allez. Non. Hey, patron, voilà votre monde. Enfin, on va s'asseoir. Du champagne et deux soupers. Ah, c'est moi qui vous servirai. Monsieur le comte Antonin de Mourmelon, mademoiselle Zénobie de Guernesey, c'est de la clientèle de patron. Antonin, enfin là, ma chienne a éternué. À ses souhaits. Oh, qu'on est bien assis. Levez-vous. Jamais. Tout de suite, allez chercher son manteau, nous l'avons sûrement oublié quelque part. Courez. Est-ce que je suis surmené, moi, pour un oisif? À tout à l'heure. Ouf, oui, c'est ça. Patron? Voilà, madame. Les officiers de chasseurs soupent toujours. Ah oui, oui, madame. Ils en sont au plat de résistance, les discours. Quand ils auront fini, prévenez le capitaine Roger de Lansquenet. En attendant, je vais me remettre un petit peu de tout. Ah, vous avez raison, on ne prend jamais trop de précautions, c'est par ici. Tiens, monsieur du parquet. Bonjour, patron. Bonjour, monsieur du parquet. Sais-tu la nouvelle? Qu'est-ce que vous avez, monsieur du parquet? J'ai que ce matin, la lune est toute neuve. Que la rue sent le muguet, que la Seine est pleine de naïades. Enfin, j'ai eu 20 ans. Eh bien, tout le monde en est là, non? Ne crois pas ça. C'est arrivé à très peu de gens.